Du tout, du tout. Une seule pluie comme je voulais, jadis. Alors. Ah putain, c'est pas possible, ça. La merde de la merde, t'es. Ah là là là là. Oh là là là là. Oh putain, ça sonne comme une girafe qui aurait bouffé du foin un peu trempé, tu vois. Ouais. Ça sent que c'est la fin, hein. Ça sent que c'est la fin. Comme disait l'autre, ça va mal finir. Putain, mais j'y arrive même plus. À rien. Autant gros que con. Autant con que gros. Oh là là là là là. Allez donc. Non, mais ça va plus du tout là. Oh là là. Ça va le finir. Ce désaccord. Pourtant, c'était à peu près ça. Mais bon, je sais pas. Ça sonne plus rien, j'entends plus rien, je sais pas. L'oreille est partie. Donc, ça doit être. Bientôt fini pour moi. Ces accords du diable. Lors d'une nuit étoilée, sans question à l'horizon, plus qu'une seule pensée, une simple constatation, que le monde est bien baisé, qu'il n'y aura plus de rédemption. Que ta jolie main verte tendue pour quelques sous pourrait bien être la dernière de nous mettre à genoux. Oh. De la toile à l'araignée, que la proie vienne s'y jeter. Tu me laisses entrevoir, ah oui c'est ça. Tu me laisses entrevoir le jour et puis tu t'en vas. Tu me laisses entrevoir l'amour et tu es avec un autre que moi. Ça évite les longs discours où on se noie. Ça évite la longue histoire d'amour qu'on ne connaîtra pas. Sans cri, sans appel au secours, sans même qu'on ne sache pourquoi. Dispensez-moi d'amour qui n'est plus à l'heure. Dispensez-moi tout court si c'est pour si peu de bonheur. Dispensez-moi l'amour. Dispensez-moi d'amour. Dispensez-moi tout court. Dispensez-moi l'amour qui n'est plus à l'heure. Dispensez-moi tout court. Dispensez-moi l'amour qui n'est plus à l'heure. Dispensez-moi tout court. Dispensez-moi l'amour qui n'est plus à l'heure. Dispensez-moi tout court si c'est possible. Voilà. C'est le son des âmes égarées.